gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Yeah, let's see. You know what's new this time, wait. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie, c'est l'épisode numéro 417. Nous sommes le samedi 1er février, ou respectivement le dimanche 2 février si vous nous écoutez en rediffusion, puisque cette émission est rediffusée le dimanche, et bien aux mêmes heures que le direct, et sur les mêmes fréquences. J'espère que, encore la dernière fois que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que la frénésie est un peu retombée, la frénésie des soldes, la frénésie de tout cela, et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, bah oui. Et nous, nos habitudes, eh bien, c'est d'être là chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 pour vous offrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis on va voir aussi à côté, du côté du cinéma, des concerts, de la bande dessinée. On a un peu élargi le spectre de notre couverture, on va dire. Plein de bonnes choses à vous proposer aujourd'hui. Restez donc bien fidèles des nouveautés aussi. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Je vous propose de commencer avec nos amis de Bright Garden, qui trouvent toujours eh bien, que la vie est douce. Bah, tant mieux pour eux, ils ont de la chance. Sweet Life, c'est le remix 2019. Puis après on écoutera Michael Tyree et un morceau intitulé All of the Time. Bon début de soirée, restez avec nous, vous avez fait le bon choix. Thank you. Deux bons morceaux là pour commencer cette émission. À l'instant, c'était Michael Tyree avec All the Time. Bah oui, s'il a tout le temps devant lui, bah, grand bien lui fasse. Et avant cela, donc nos amis de chez Bright Garden et Sweet Life. La vie est toujours très belle avec Bright Garden. Bah, c'est vrai qu'avec un nom pareil, on a tendance à voir la vie du bon côté. C'est ce qu'il faut essayer de faire. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, on va pas s'étendre sur le sujet, c'est pas l'endroit. Mais en tout cas, le morceau suivant, il est plus, pour vous avouer, mon état d'esprit, il est plus dans mon état d'esprit, il s'appelle Worry, donc un peu inquiet, oui, c'est un peu ça. Worry, et le groupe, c'est les King of the Tramps, et puis après cela, et avant de découvrir notre album Powerplay, eh bien on va retourner sur un ancien Powerplay, c'était David Hurl avec son album Garden of Edendale, et on écoutera le morceau The Tone That Got Away. Mais avant cela et tout de suite, King of the Tramps avec Worry. Thank you. Voilà, c'est un très bel instrumental. Donc, je vous rappelle que c'est tiré de l'album de David Hurl, un album qu'on connaît bien puisqu'on l'a passé comme powerplay il y a quelques mois de cela. L'album s'intitule Garden of Edendale et on écoutait le morceau The Throne That Got Away. Et puis, en parlant de powerplay, eh bien, il est temps pour nous de passer à la découverte de notre powerplay de ce jour, puisqu'il est déjà 17h23. C'est un album qui nous emmène en Suède. Il s'agit de l'album du groupe Principe Valiente, un album intitulé Oceans Deluxe. Principe Valiente, c'est un groupe suédois basé à Stockholm. Leur son résulte partiellement en tout cas d'inspiration tiré d'un côté eh bien, du minimalisme de certains groupes post-punk et de l'autre côté eh bien, de la richesse du shoegazing qui est, comme vous le savez très certainement, un sous-genre du rock alternatif. Leur musique a cependant été fréquemment qualifiée de pop sombre, pop noir ou en anglais dark pop. Ils tirent essentiellement leur inspiration eh bien, de musique ambiante et expérimentale comme celle des Cocteau Twins, celle des musiques de films de science-fiction des années 80, bah oui, imaginez ce que ça peut donner, ou encore de vocalistes exubérants comme David Bowie ou Kate Bush. Bah, en tout cas, j'espère que cette petite introduction vous a donné l'envie d'en savoir plus. En tout cas, moi, je trouve ça tout à fait appétissant. Donc, je vous propose d'en écouter un premier extrait. Cet extrait s'intitule No Time. C'est marrant parce que tout à l'heure, on écoutait Michael Tyree avec All of the Time. Il avait tout le temps devant lui et eux, les Principe Valiente, bah oui, c'est un peu plus sombre. Ils n'ont plus le temps. No Time. Cet extrait, donc, cet album Oceans Deluxe. Et on les écoute aujourd'hui comme powerplay dans Planète Indie. Power play. I'm C'est le premier extrait pour ce soir de notre album Powerplay, l'album Ocean. C'est la version deluxe et le groupe est suédois. Il s'appelle Principe Valiente. On les écoutera encore deux fois d'ici la fin de cette émission. Pour poursuivre, eh bien, une nouveauté, je pense que ce groupe, on ne l'a encore jamais entendu dans cette émission. Il s'appelle Plume et il nous invite au Karma Sutra. Je vous le disais, c'est une nouveauté, c'est Plume qu'on écoutait avec Karma Sutra. On va en avoir une autre tout de suite après. Mais avant cela, je voulais vous parler d'un événement, puisque vous le savez, depuis quelques années, on suit pour vous notamment le Lux Film Fest, le festival de cinéma de la ville de Luxembourg. Et cette année, ils auraient, peut-être qu'ils l'avaient déjà organisé précédemment, mais je ne m'en souviens pas. En tout cas, cette année, ils organisent un Lost Weekend, un défi film 48 heures. C'est organisé par le Film Reactor et Open Screen, qui vous présente donc ce Lost Weekend. C'est un concours de courts-métrages à réaliser en moins de 48 heures et qui s'adresse à tous les réalisateurs, que ce soit les moins expérimentés ou jusqu'aux vrais as de la caméra. Ça se passera entre le vendredi soir et le dimanche soir. Ça se passe en 48 heures chrono et ça se passe donc le premier week-end du Luxembourg City Film Festival du 6 au 8 mars 2020. Que faire? Eh bien, il faut vous inscrire, créer votre équipe et vous inscrire sur lostweekend.lu. Et si vous n'avez même pas la possibilité de créer d'inscrire une équipe complète, eh bien, vous pourrez rencontrer sur le site d'autres participants afin de bien vous joindre à eux ou eux se joindre à vous pour créer cette équipe. Le rendez-vous est fixé au vendredi 6 mars à 19h au Cercle Cité à la ville de Luxembourg. Et à 20h précises, eh bien, les organisateurs annonceront les éléments obligatoires de la réalisation, donc le thème du film, une phrase de dialogue ainsi qu'un accessoire à insérer dans votre film. Chaque équipe sera invitée à tirer au sort le genre de film de son futur chef-d'œuvre et puis il ne restera plus qu'à écrire, filmer et monter le film en équipe. Il devrait être obligatoirement finalisé le dimanche soir et remis personnellement aux organisateurs au plus tard à 20h au Cercle Cité. Il y a des prix, notamment un prix du jury et un prix du public. Je vous rappelle l'adresse du site internet pour tout renseignement, www.lostweekend.lu. On poursuit avec une autre très très belle nouveauté, un groupe un peu gothique, dark rock aussi, il s'appelle Mono Inc. C'est leur nouveau single, ça s'intitule The Book of Fire. Et c'est rien que pour vous sur Planète Indie. To do. thunder and light. It was raining all night, but it burned with a book of fire. To Planeta Indy. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indy. Hi, this is Michael from Din Machine, and you're listening to Planet Indy. Bonjour. de la planète Bijou. C'est un peu spécial, hein. On les avait connus avec un autre morceau. Je ne reviens pas sur le titre à l'instant, mais c'est les Fratelli Stellari avec Mon Doudou le Houdou. Je me suis dit que, bah oui, pourquoi pas changer un peu et vous faire découvrir autre chose, un peu moins sérieux, on va dire. Avant de poursuivre et de retourner sur notre album Powerplay d'ici quelques minutes, je vous propose de passer en revue la programmation de la Culture Fabrique pour ce mois de février. J'ai sélectionné pour vous, alors le jeudi 13, vous aurez l'occasion d'écouter Anna Williams and the Affirmations, c'est un groupe anglais, ça se passe à 20h. Le 14, c'est Altin Gunn, c'est un groupe néerlandais. Et puis le 21 février, il y a deux concerts, bah oui, Charco à 20h, belge, évidemment, on connaît. Et puis Gregorio Live, ce sera eux à 21h. Voilà, d'ici quelques minutes, donc, retour sur notre album Powerplay. Je vous propose d'écouter avant cela Alp avec Stuck in My Mind. She's so reckless to my cause. How full am I, still cannot let go. Trying to read every thought. Days been wasted for so long. Am I the only one staying up all night? Checking the phone at the first light. How could I let someone I don't know make me lose my mind? Tell me, don't you need someone when you cry alone? With a blanket in your cold bed, everything about us reminds me how I need you to breathe. Tell me, was it truth or a lie? Things you told that night. Your smile stuck in my mind. Everything about us reminds me how I need you here. She's so trying to read every thought. Days been wasted for so long. Am I the only one saying it's alright? Hoping things will change overnight. And really, how could I let someone I don't know make me lose my mind? Don't you need someone when you cry alone? With a blanket in your cold bed, everything about us reminds me how I need you to breathe. Tell me, was it truth or a lie? Things you told that night. And your smile stuck in my mind, everything about us reminds me how I need. Voilà, c'était donc le groupe Alp avec Stuck in My Mind. 17h50 minutes. Retournons voir un petit coup sur notre album Powerplay, si vous le voulez bien. Je vous rappelle que c'est la version deluxe de l'album Oceans du groupe suédois Principe Valiente. Il s'agit d'un quatuor composé de Fernando Honorato qui chante et qui joue aussi de la basse, Jimmy Ottosson. Il joue lui de la guitare. Rebecca Johansson, elle est au clavier. Et enfin, il y a Joachim Jante aux percussions. En 2007, eh bien, ils ont sorti un EP éponyme. Ensuite, leur premier véritable album, et qui s'appelait Principe Valiente, tout simplement, est sorti en février 2011. Et notamment, il y avait une vidéo pour leur premier single intitulé The Night, qui a tourné pas mal sur les télévisions nationales en Allemagne. Ensuite, l'année 2013, eh bien, ça a été une année assez chargée pour le groupe, puisqu'ils ont tourné assez intensivement à travers l'Europe. Et ils ont notamment joué aussi au WGT, qui est le plus grand festival de musique gothique. Ils ont notamment aussi ouvert en mai pour Peter Murphy, qui est le chanteur du groupe, fameux groupe Bauhaus. Et puis en parallèle, eh bien, ils ont enregistré leur second album qui s'appelait Choirs of Blessed Youth, qui est sorti eh bien, en 2014 et qui était enregistré à Stockholm. Et puis on arrivera ensuite à l'album qui nous intéresse maintenant, l'album Oceans. On en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure. Je vous propose donc d'écouter un second extrait. Le second extrait que j'ai choisi s'appelle Strangers in the Night. C'est le single qui est sorti, donc c'est un single qui est issu de cet album Oceans. C'est une composition un peu vous allez voir, et ça, vous allez voir qu'il y a des mélanges de morceaux calmes et des morceaux plus énergiques, et puis eh bien, ça donne une certaine ambivalence à ce bel album Oceans de Principe Valiente. Allez, on le réécoute avec ce second extrait, Strangers in the Night. Power play. Power play. reste dans le noir avec ce morceau, puisqu'il s'appelle Art Noir. Le morceau s'intitule Time and Eternity. Je vous avais prévenu, hein. C'est une ambiance noire. Le morceau est très long, hein. Il fait pas loin de 7 minutes, donc on va peut-être pas l'écouter en anglais, ou alors on va le laisser en fond musical pour passer en revue la programmation de la Rockal pour ce mois de février. Alors ce soir, samedi 1er février, bah, ça va déménager puisqu'il y a Slipknot et Behemoth. Demain, Five Finger Death Punch avec Megadeth, bah, ça va bouger aussi. Le 4, Young M.A. Le 8, Moufest. Le 12 février, La Ruque est à nous. Le 13, Ralf Schnitz. Le 16 février, Star 7. Ensuite, il y a plusieurs dates pour la comédie musicale, enfin le musical de Bodyguard. Le 20, 21, 22 et 23 février. Le 20, vous aurez aussi l'occasion de voir au club Royal Republic. Le 21, Ho 9909. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais j'imagine que oui. Le 22, c'est RK. Le 24, Les Touchés, je ne sais pas comment on dit non plus. Le 25, c'est le Bootleg Beatles. Et puis le 27, le retour de Fritz Kalkenbrenner. Et enfin, on arrive à la fin du mois avec Roman Fraissinet le 28 février. Et puis celle qui a eu la chance, l'honneur et l'insigne privilège d'obtenir la date du 29 février, c'est Mia Julia avec son concert. D-Live. Ah non, pardon, j'ai mal lu, ce concert est annulé. Donc, oubliez ce que je viens de vous dire. Si vous avez des tickets, faites-les vous rembourser. Voilà pour la programmation de la Rocale. Nous, on poursuit en musique. On n'est pas spécialement en avance, mais bon, on va faire avec justement le groupe Robert Hill, enfin le groupe les Muscogee Few qui accompagne Robert Hill. Et la chanson s'intitule It Was All Made For You and Me. Celebration. relativement long aussi, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps presse, donc on doit aussi parler à la découverte de notre BD du mois. Je vous propose de le faire tout de suite si vous le voulez bien. C'est une BD sortie chez Draco, c'est le premier volume d'une trilogie qui s'intitule Dantracon. Le premier volume s'intitule Le miroir glouton. Le résumé est le suivant: dans la mythique cité de Compiam, où cohabitent de nombreuses races intelligentes, Nuan est un jeune humain commis de cuisine dans la demeure du mage réputé Waiwo. Le chef coq Rumbopo et lui doivent nourrir quotidiennement le maître, tout son personnel ainsi que ses trois élèves. L'une d'eux, la belle Leray, s'est prise d'amitié pour Nuan et l'aide à apprendre à lire au grand dame de Didor, un élève prétentieux et jaloux qui voit d'un très mauvais œil la complicité entre les deux amis. La grande nouvelle, c'est que Waiwo a réussi à acquérir le Dantracon, le seul exemplaire du plus grand grimoire magique dont il suivait la trace depuis une trentaine d'années. Le problème, c'est qu'il est écrit dans un alphabet inconnu et que tous les copistes qui ont tenté de le reproduire sont devenus fous. Un soir où Nuan est resté dans la bibliothèque après avoir travaillé avec Leray, il s'approche de l'ouvrage et se rend compte qu'il est capable de le lire sans pour autant comprendre ce qui est écrit. C'est alors que les pages du livre s'effacent d'elles-mêmes et les lettres semblent pénétrer dans son corps. Alors que Didor est parti prévenir le redoutable inquisiteur Amutu qui tient désormais Waiwo responsable des dangers que le Dantracon pourrait faire peser sur la cité, la magie primale du sang qui a contaminé Nuan et qui est totalement interdite car réputée incontrôlable commence à agir et semble désigner aux yeux de tous le marmiton comme l'ennemi à abattre. Le Grimoire Clouton est donc le premier volume de la trilogie du Dantracon, l'univers fantasmagorique qui se met en place et le lecteur fait connaissance avec toute la galerie de personnages qui peuplent la cité. Ils forment un bestiaire assez convaincant et très travaillé, mieux même que les humains. Le cahier graphique en fin de volume, cahier réservé à la première édition, donc celle-ci, détaille les différentes races que l'on peut y rencontrer, ainsi que leurs rôles respectifs. Les dessins sont superbes, en témoignent par exemple les impressionnantes vues plongeantes de la cité de Compiam, rehaussées par les tons tout en douceur presque pastel. La trame de base est classique, un jeune héros, un peu naïf mais volontaire, amoureux et ambitieux, un élu qui porte en lui des pouvoirs qu'il ignore se trouve confronté bien malgré lui à de grands périls dont il ne soupçonne rien et qui le dépassent. Pour venir à bout des épreuves qui l'attendent, il devra apprendre à se connaître, à trouver en lui les clés et la force de surmonter ses peurs et s'entourer de fidèles compagnons. En conclusion, je dirais que cette histoire accomplit une performance prodigieuse, quasiment miraculeuse, elle permet à tout un chacun de réaliser un rêve d'enfance. Qui en effet n'a jamais rêvé de détenir des pouvoirs magiques ? Subtil mélange d'aventure, de fantastique, d'amourette, d'action, d'humour et de muscles, les pérégrinations, on pourrait même pratiquement parler de chemin initiatique palpitante de Nuan, constituent un tout cohérent au sein d'un univers hiérarchisé et onirique. On n'est pas au bout de nos surprises, comme le laisse sous-entendre la fin de ce premier épisode. La suite s'annonce d'ores et déjà alléchante. Bien, la suite, dès qu'elle sera sortie, on vous tiendra bien entendu au courant. Je vous rappelle le nom de l'album, il s'appelle Le Grimoire Glouton, c'est le volume 1 de la trilogie du Dantracon. C'est sorti chez Draco et c'est écrit et réalisé par Arleston et Bois Commun. Voilà, je vous mettrai aussi la couverture sur notre groupe Facebook. Pour l'heure, on poursuit en musique avec les Good Lovelies. Et un morceau Pulse and Flatline. Listen, raging, beauty undone. When the battle's won. C'est l'un de mes morceaux fétiches en ce moment. Il s'appelle Mudfish. Et le morceau s'intitule Tug of the Undertow. 18h19. Retournons, si vous le voulez bien, eh bien, pour la troisième et dernière fois sur notre album Powerplay, l'édition deluxe de l'album Oceans de Principe Valiente. Cette édition deluxe, eh bien, est une réédition de l'album qui était originellement sorti en 2017. Et cette nouvelle édition, eh bien, est accompagnée de versions qui étaient précédemment disponibles seulement comme des téléchargements via Internet, des morceaux remasterisées notamment par Tommy Steuer au TS Music Studio de Leipzig. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un album qui mélange des morceaux calmes et des morceaux plus énergiques, comme le morceau Strangers in the Night là, qu'on avait écouté tout à l'heure, ce qui donne à cet album une certaine ambivalence. Il y a une intensité qui émane aussi des sons atmosphériques et puis des intermèdes avec cette guitare mélodique. Il y a des percussions qui sont sombres, une basse rythmique qui se fait entendre et puis la voix chaude, presque émotionnelle du chanteur. Et bien, tout cela emmène et capture l'auditeur dans un mélange de désir et de solitude. Avec cet album, et bien, ce groupe Principe Valiente a créé un autre monde séduisant, à la fois humain, presque trop humain avec les paroles, et puis un paysage audiophonique fantasmagorique. Voilà, je pense qu'on a écouté, vous avez eu l'occasion de vous rendre compte, eh bien, musicalement, de ce dont on parlait. Je vous mettrai aussi une vidéo sur notre page Facebook. Et puis, tant qu'à parler de Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et vous arrivez directement chez nous. Ou alors, vous passez bien sûr par notre site internet www.ilovemusic.ga. Je vous propose donc d'écouter un troisième extrait qui s'intitule Wildest Flowers. Et puis, puisqu'on parlait de remix sur cet album, eh bien, j'ai choisi de vous passer le Big City Bright Light Remix de Principe Valiente. Power play. Power play. Voilà, c'était notre power play dans cet épisode 417 de Planet Indie. Je vous rappelle le nom du groupe Principe Valiente, l'édition deluxe de leur album Oceans. En vitesse, la programmation de Neumünster. Eh bien, ce soir, vous pourrez voir le chœur Gemma 4. Demain, Natasha Kelly Group. Ça se passera à 11h. Le 6 février, Galia Volt. Le 9, Matteo Pastorino Quartet. Le 14, Die Erja Littinen Band. Le 16, Arthur Possing Quartet. Le 23 février à 11h, Max Petersen Trio, et le 28 février, Dom Martin. Et c'est à 11h et vous pouvez aller voir sur www.neumünster.lu pour les détails. On va se quitter avec un dernier morceau, elle s'appelle Deborah Henriksson et on va écouter le main mix de son morceau Let Go. J'étais très heureux de passer ce 417e épisode en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. On se retrouve bien entendu dans un mois, ça sera le 7 mars pour un nouvel épisode de Planet Indie. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Portez-vous bien. Et puis, cette émission sera rediffusée demain entre 17h et 18h30. Et le podcast sera disponible sur notre site internet très très bientôt. Je vous rappelle l'adresse www.ilovemusic.com. www.indiepop.ga. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il est l'heure de se quitter avec ce dernier morceau, Deborah Henriksen, Let Go. Bonne fin de journée, bon week-end. Et donc, portez-vous bien, à la prochaine.